La coopérative de camionnage de Saint-Félicien félicite Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien pour leur présence aux Jeux olympiques de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-41-94. Grosse nouvelle hier au Centre Georges, pour le Centre Georges Vézina, un dossier qui soulève même la passion. On sent même ça ici jusqu'à Dolbeau-Mistassini. On va parler avec le conseiller le responsable des sports à Ville-Saguenay, Michel Tifo, qui est notre collaborateur aussi. Salut Michel. Oui, bonjour Dani. Michel, évidemment, grosse décision hier, ça a été pris que le Centre Georges Vézina allait réouvrir au mois de mars, quelque part à la mi-mars. Entre le 15 et le 20 mars, mais il y a certains travaux qui vont se faire à partir des prochains jours. Ça devrait commencer lundi, là. On a donné le contrat à Proco, qui est une firme spécialisée dans les structures, et oui. Alma Soudure. Donc, c'est des membrures qui vont être installées pour renforcer le toit. On a besoin absolument de ça pour avoir le OK pour la sécurité de la population. Alors ça a été confirmé hier en conférence de presse. On va réouvrir le Centre Georges Vézina milieu mars. OK. C'était... Pour le patinage de vitesse, pour les Saguenayens, ouais, et les autres activités. C'était vraiment une priorité, je pense, hein, parce que quelque part, c'est toute qu'une histoire, j'imagine, ce qui est arrivé il y a environ 3 semaines. Là, c'est relocaliser tout ça. Il y a des heures de glace qui se sont perdues, les ligues de garage, ça va loin. Là, c'est tout que... Donc on ne l'avait pas prévu d'aller. Ouais. C'est un accident de parcours. On l'appelle notre vendredi soir. C'est une firme d'ingénieurs qui nous arrive en plein milieu de la journée pour nous dire, ben, on a fait des vérifications, puis votre toit n'est pas sûr. Alors, nous autres, la décision s'est prise de façon instantanée. On a dit, on ferme temporairement le centre-là. Là, on est arrivé avec des possibilités. Puis, il y a des conditions à tout ça. Là, il faut continuer de déneiger le toit du centre Georges Vézina, la galerie de la presse. On ne pourra pas accueillir plus de 30 personnes, je pense que c'est 30. En tout cas, on va avoir plein de modalités à respecter à la réouverture. Mais on n'avait pas le choix de fermer le centre Vézina. C'est une bâtisse, une vieille structure de plus de 70 ans. Mmh. Et là, on aura d'autres décisions à prendre. La grande décision qu'il faudra choisir, qu'il faudra déterminer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, est-ce qu'on construit un amphithéâtre neuf ou est-ce qu'on rénove? Parce que là, hier, les ingénieurs nous ont dit, pas de problème, on peut réouvrir le centre Vézina pour 3-4 ans, mais à partir de 2022, si on n'a pas une rénovation majeure, on devra le fermer définitivement. Alors, c'est que la ville, on devra décider, est-ce qu'on fait une rénovation majeure? Ouais. On construit un nouveau Centre Georges Vézina. Là, c'est là-dessus qu'on va se pencher au cours des prochaines semaines. Là, vous êtes 15. La mairesse José Néron semble pour, en tout cas, au centre-ville. Je pense qu'on va s'en aller vers ça. Puis la clé là-dedans, c'est de pas, c'est pas perdre de temps avec l'emplacement. Parce que si tu te chicanes, puis si tu perds du temps avec l'emplacement, ben là, c'est des coûts qui augmentent. Dani, ça veut pas dire que ça va dans le centre-ville. Ça ne ferait pas de compétition trop rapide. Madame la mairesse s'est prononcée, mais il y a 15 autres personnes alentour de la table qui ont le droit de parole. Alors, tu sais, il faut pas aller tout de suite, faut pas sauter aux conclusions. C'est pas confirmé encore qu'on fait un centre de Georges Vézina neuf. Ouais. Tu sais, allons-y, prudemment. Ça implique beaucoup d'argent. T'sais, nous autres, on est là pour gérer une ville, pour administrer une ville. Tu sais, c'est des gros... Ben, oui, il y a des subventions, oui, il y a plein de choses qu'on comprend, mais tu sais, là, on a décidé de réouvrir, on investit 100 000 $ pour le réparer temporairement, mais là, c'est pas des 100 000, c'est des millions qui vont exploser tantôt, là, quand on va prendre les prochaines décisions. Alors, il faut prendre des bonnes décisions. Mais Michel, quelque part, tu peux faire pas du neuf avec du vieux. C'est ça le problème. Ça revient toujours avec la même histoire. Je comprends ça, Danny. Ouais. Je comprends tout ça. OK. Michel, là, il va y avoir d'autres travaux aussi, là, de la toiture, mais je pense que j'ai cru comprendre que la galerie de presse, on va limiter les gens sur la galerie de presse, c'est ça? Oui, c'est ce que je t'ai mentionné tantôt, là. Ouais. Ça va être un maximum de 30 personnes, parce que dans les dernières années, la galerie de presse servait pour les journalistes, pour les médias, pour les commentateurs. Ben oui. Mais aussi, il y avait des commanditaires. Mm. il y avait, je te dirais qu'il y avait au moins une, deux, trois, quatre, cinq loges des commanditaires sur la galerie de la Presse. Mm. Ça fait du monde en ville, là. Ouais. Alors ça, là, à mon avis, là, ça va être bloqué. OK, OK. Puis il va y avoir d'autres mesures aussi. Ben Michel, ça fait pas mal le tour. Pour concernant le Soccer Dome, finalement, ça aussi va une décision, j'imagine, de bientôt de prise aussi, confirmée? Ben là, la décision est prise. Oui. Le Dôme ira du côté de Jonquière. Oui. On a fait notre demande de subvention la semaine dernière. Normalement, d'ici début d'été, on devrait savoir si oui ou non on a la subvention. Puis après ça, ben, si la nouvelle est bonne, si on a une subvention, ben là, on va pouvoir avancer le dossier. Ça n'a jamais venu dans l'idée, Michel, de faire les deux pour avoir le maximum de subvention? Parce que Soccer Dome, Mamy, Trois-Jonquières, Saint-Georges-Lézina et tous les cachots. Mais vous êtes une ville? Oui, je comprends qu'on est une ville, mais on doit tout expliquer le pourquoi et le comment. Ouais. Que le Soccer Dome s'en venait du côté de Jonquières. C'est pour un peu me dynamiser. Je vais te le répéter parce qu'il y a plusieurs joueurs de soccer qui viennent du Lac-Saint-Jean, entre autres, là, à Alma, à Robertval, à Saint-Gédéon, même à Delbeau, partout. C'est que Jonquières est bien situé. On est à l'entrée de Ville-Saguenay. Alors ça, c'est l'une des raisons. Deuxièmement, politiquement parlant, ben, les conseillers municipaux, dans leur campagne électorale, les six, on avait travaillé pour mentionner à la population qu'on voulait le Soccer Dome à Jonquière. Oui, et puis c'est surtout aussi pour... Alors, le Soccer Dome, c'est à Jonquière, puis pour... dans l'arrondissement, je crois. OK, pour dynamiser ça. Tout ça, ça a été réglé, ça. Ouais, pour dynamiser aussi Jonquière, pour donner une chance aussi à Jonquière. Exactement. Jonquière a besoin de certaines choses aussi. Ouais. Maintenant, le Saint-Georges-Vézina, s'il reste à décider, ben là, on a pris une décision, on le répare temporairement. Et là, ben, dans les prochaines semaines, d'autres décisions vont suivre. OK. Michel, on va suivre le dossier de près, puis j'ai l'impression qu'on va se parler beaucoup, beaucoup au cours des prochaines semaines concernant le dossier de Saint-Georges-Vézina. Ça fait plaisir, ben. Le responsable des sports à Ville-Saint-Denis, Michel Thibault.